الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc ceci est le dixième cours des cours de Taysir al-Allam, qui est l'explication de Umdat al-Ahkam, un livre initial de l'imam ibn Qudama, al-Hafid Abdul Ghani al-Maqdisi, et une explication de Sheikh al-Bassam, rahimahullahu ta'ala. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre du Siwak, et on y avait expliqué trois hadiths, le hadith d'Abu Huraira, puis le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, et enfin le hadith de Aisha, radiyallahu ta'ala anha. نعم اي ابو موسى الاشعري نعم احسنت اي الكاتخيم حديث كيلو حديث ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لو بخومي حديث لحديث ابو هريره كي بلو سيتي تفضل نعم حسن عليكم عليكم السلام في الميكرو وتقولوا تخرجوا برا تما في الفوتاي شوف تقدروا طيب لو سيكون حديث دو عن حذيفة بن اليمان تفضل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه نعم أحسن رواه البخاري ومسلم حديث عائشة تفضل حسن حديث 19 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده الشدة لي سور الدال فأبده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصاره فأخذت السواك فاستني به فقدمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستني به فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنى استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في رفيق الأعلى ثم قضي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت تقول مات رأيت بين حاقنتي والذاقنة وفي لفظ رواه البخاري رواه البخاري وفي لفظ نعم فينظر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إليه فعرفت أن يحب أنه يحب السواك يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار رأسه برأسه أن نعم نعم رواه البخاري وفي ولمسلم نحوه وقال الشارح عبد الله البسام أن هذا الحديث ليس معناه في المسلم طيب الحديث الرابع بارك الله فيك الحديث الرابع حديث أبي موسى الأشعري سليم تفضل قال وهو يستاك قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول والسواك في السواك انه يتهوى نعم احسنت رواه البخاري ومسلم طيب نكونتين ان شاء الله باب مسح الخفين هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة المشروع من أدلة مشروعية المسح على الخفين لأن المسح عليهما بدل غسلهما فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من العلماء أو من علماء المسلمين لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة ولله الحمد ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله أن تؤتى ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة Puis l'auteur, رحمه الله, a entamé le chapitre de l'essuyage sur les chaussons. Et ce chapitre, ou dans ce chapitre, seront cités les différentes preuves qu'il est légiféré d'essuyer sur les chaussons et que l'essuyage remplace le fait de laver, le lavage. C'est donc un moyen de purification légiféré et qui fait l'objet de l'unanimité des savants reconnus en islam. Et ceci car les textes rapportés à ce sujet ont atteint les plus hauts degrés d'authenticité et à Allah la louange. Et quant à la condamnation ou la contradiction de certaines sectes sur le fait que cela n'est pas légiféré en se basant sur certains hadiths qu'ils apportent pour répondre aux hadiths authentiques qui, comme nous l'avons dit, ont atteint les plus hauts degrés d'authenticité, à savoir at-tawatur, tout ceci pour contredire que le fait d'essuyer sur les chaussons, les chaussettes, les sandales, les chaussures n'est pas légiféré. Et bien sûr, les preuves seront apportées pour répondre à leurs ambiguïtés. Et le fait d'essuyer sur les chaussons fait partie des dérogations qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que l'on fasse. Et cela fait partie également des facilités de cette législation musulmane. الحديث الحادي والعشرون عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما رواه البخاري ومسلم Le 21e حديث Selon المغيرة بن شعبة رضي الله عنه Il dit J'étais avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Et je me suis baissé afin d'enlever ses chaussons. Et il a dit, laisse-les, car je les ai entrés en étant purs. Il a alors essuyé par-dessus. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-Hadith. Les termes qui méritent explication dans le Hadith. Fa'ahwaytu li'anzi'a. مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما. Donc lorsque Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu a dit: je me suis abaissé afin d'enlever ses chaussons, c'est-à-dire les chaussons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il s'est baissé et qu'il a tendu ses mains afin de libérer les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam des chaussons qu'il portait, afin de que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse les laver. المعنى الإجمالي: كان المغيرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما لغسل الرجلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه. Le sens général du hadith. Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'une de ses excursions ou dans l'un de ses voyages. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire ses ablutions, et après qu'il ait lavé son visage et ses mains, après qu'il ait essuyé sa tête, Al-Mughira ibn Shu'bah s'est alors abaissé afin d'enlever les chaussons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse ainsi laver ses pieds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: laisse-les, ne les enlève pas, car j'ai rentré mes pieds alors que j'étais en état de pureté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors essuyé sur ses chaussons à la place de les laver. Alors, essuyé sur ses chaussons au lieu de laver ses pieds, pour être plus précis. Il a alors essuyé sur ses chaussons au lieu de laver ses pieds. اختلاف العلماء, la divergence des savants. شذت الشيعة في إنكار المسح على الخفين وروي أيضا عن مالك وبعض الصحابة لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة وأما مالك فالرواية الثابتة عنه القول به وأطبق أصحابه من بعده على جواز وأما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع مستمسكين بقراءة الجر من وأرجلكم لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم وذهبت الأمة جمعا إلى جواز المسح واعتقاده محتجين بالسنة المتواترة والقراءة على فرض الأخذ بها تكون مجرورة للمجاورة أو لتقييد المسح على الخفين وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة فيكون في الآية رد على من لم يرى المسح أخذا بقراءة الجر في وأرجلكم وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة وإنكاره شعار أهل البدعة. La divergence des savants. Les chiites sont les seuls à contredire le caractère légiféré du fait d'essuyer sur les chaussons. Et cela est rapporté aussi d'après l'imam Malik et certains compagnons. Mais comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, la version ou la chaîne de transmission qui rapporte ces versions sont faibles, à savoir d'après l'imam Malik et d'après certains compagnons. Donc si certains utilisent ceci comme preuve, nous leur répondons que ces versions ne sont pas authentiques. Quant à Malik rahimahullah, la version authentique qui est rapportée de lui, c'est qu'il dit et qu'il est de l'avis qu'il est autorisé d'essuyer sur les chaussons. Et également, tous ses compagnons et ceux qui l'ont suivi après sa mort, ont tous affirmé l'autorisation d'essuyer sur les chaussons. Quant aux chiites, ils ont alors contredit l'unanimité des savants en s'accrochant sur une des lectures du Coran dans le verset de Sourate Al-Ma'idah où Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous apprêtez à prier, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. et essuyez vos têtes wa arjulakum ila al-ka'bayn et vos pieds jusqu'aux chevilles. Dans une lecture du Coran, il y a la parole d'Allah Azza wa Jalla wa arjulakum et vos pieds avec an-nasb, c'est-à-dire wa arjulakum avec la fatha sur le lam. Et cette lecture prouve que les pieds doivent être lavés. Car Allah Azza wa Jalla dit إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. Donc vos visages et vos mains, avec un nasb également. Et vu que arjulakum est également mansoub, il a alors le même jugement que les autres, à savoir le visage et les mains, autrement dit que les pieds doivent être lavés. Et il y a une autre lecture du Coran qui elle aussi est authentique, où il y a wa arjulikum. Wa arjulikum. Et Allah Azza wa Jalla dit wa msahu bi ru'usikum wa arjulikum, et essuyez vos têtes, autrement dit vos cheveux, avec al-jar bi ru'usikum wa arjulikum. Et les chiites ont utilisé cette lecture du Coran pour dire que il est majrour, donc il a le même jugement que la tête, à savoir que l'on doit laver les pieds, essuyer les pieds, que l'on doit essuyer les pieds. Et donc c'est la preuve qu'ils utilisent. Et les savants ont répondu à cette ambiguïté, à savoir que al-jar, un mot peut être majrour, à savoir que l'on met une kasra lil mujawara. Lil mujawara, comme l'a dit l'imam Abdullah al-Bassam, takunu majruratun lil mujawara. Et ceci existe dans la langue arabe, qu'un mot soit majrour parce qu'il est juste à côté d'un autre mot qui lui est majrour. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, inni akhafu alaykum adhab yawmin alim. C'est Nuh alayhi salam qui a dit cette parole à son peuple, inni akhafu alaykum, j'ai peur pour vous, adhab yawmin alim, d'un châtiment douloureux, du jour où il y aura un châtiment douloureux. Normalement, lorsque l'on applique les règles de grammaire, le verset serait inni akhafu alaykum adhab yawmin alima. Car alim, douloureux, est un adjectif de châtiment. Et l'adjectif a normalement les mêmes terminaisons que le mot qu'il qualifie. Or ici, Allah Azza wa Jalla a dit inni akhafu alaykum adhaba yawmin alimin. Donc alim ici, au lieu d'être mansoub, au lieu d'être aliman, il est alimin. Pourquoi? Parce qu'il est à proximité de adhabin, qui est le mot juste avant. Donc cela existe dans la langue arabe. C'est une des réponses des gens de la sunnah aux chiites. Et la deuxième réponse, comme l'a dit Cheikh al-Bassam, c'est que la version wa arjulikum, c'est-à-dire essuyez vos pieds lorsqu'ils sont couverts. Et les différentes lectures du Coran viennent s'expliquer les unes des autres. La lecture wa arjulakum vient montrer que les pieds, lorsqu'ils sont nus, doivent être lavés. Et la lecture wa arjulikum vient prouver que lorsqu'ils sont couverts, ils doivent être essuyés. Et non pas comme le disent les chiites, que les pieds doivent tout le temps être essuyés, et ceci est une erreur. Et c'est même un égarement. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, ainsi que d'autres parmi ses compagnons, aimaient beaucoup le hadith de Jarir ibn Abdullah al-Bajali, qui rapporte également le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur ses chaussons. Et pourquoi ce hadith était beaucoup aimé d'Abdullah ibn Mas'ud et de ses compagnons? Car Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiallahu anhu s'est converti après la révélation de Surat al-Ma'idah. Et ce verset que l'on a cité précédemment est dans Surat al-Ma'ida. Cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, a essuyé sur ses chaussons après la révélation de cette sourate. Car les chiites disent, parmi leurs preuves, c'est que le Coran vient abroger la sunna. Et on sait tous que cela n'est pas une règle en islam, mais que la sunna est venue expliquer le Coran. La sunna est venue expliquer le Coran, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient même parfois restreindre des interdictions présentes dans le Coran. Comme par exemple, Allah Azza wa Jal a interdit de consommer du sang. Mais dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux types de sang qui nous sont autorisés, à savoir al-kabidu wa al-tihal, le foie et la rate. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de manger du foie et de la rate, alors que ils sont considérés comme du sang? La preuve, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Daqiq al-Aïd, rahimahullah, qui est un savant qui a également expliqué Umdat al-Ahkam, a, dans son explication de ce livre, apporté plusieurs paroles qui se résument par une parole qui est extrêmement importante, à savoir que d'essuyer sur les chaussons, et quand je dis les chaussons, c'est ce qu'il y a de plus répandu, mais entre également dedans les sandales, les chaussures, les chaussettes, etc. Il dit, Ibn Daqiq al-Aïd, rahimahullah, que d'essuyer sur le chausson est autorisé et que cela est répandu et populaire au point que c'est l'emblème des gens de la sunna. Et de renier le fait d'essuyer sur les chaussons, les chaussettes, est l'emblème des gens de la bid'ah. Et l'emblème des gens de la bid'ah. Pour cela que vous verrez dans beaucoup de livres de Aqaïd, dans beaucoup de livres sur la croyance, les savants ont indiqué un chapitre sur al-mas'h 'ala al-khuffayn, sur le fait d'essuyer sur les chaussons, alors que cela fait partie du fiqh, ne fait pas partie de la aqida. Mais parce que cela est connu comme étant l'emblème des gens de la sunna, et que celui qui le condamne est considéré comme un innovateur, eh bien les savants ont parlé de al-mas'h 'ala al-khuffayn dans leur livre de croyances et de dogmes. طيب ما يؤخذ من الحديث, ce que l'on retient du hadith. اولا مشروعيه المسح على الخفين عند الوضوء والمسح يكون مره واحده باليد ويكون على اعلى الخف دون اسفله كما جاء في الاثار. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, c'est qu'il est légiféré d'essuyer sur les chaussons pendant les ablutions, et que l'essuyage se fait une seule fois, et il se fait sur le dessus de la chaussette ou du chausson et non sur le dessous, comme les textes le prouvent. Comme les textes le prouvent, entre autres, la parole de Ali radiallahu anhu, qui dit que si la religion était basée sur la raison, alors il aurait été plus raisonnable d'essuyer sur le dessous des chaussons que sur le dessus. Mais il y a des choses dans la religion qui ne sont pas basées sur la raison, des choses que l'on fait qui sont purement adoratifs, dont nous ne connaissons pas la raison. Donc tu peux avoir des choses dans l'islam que tu fais sans en connaître forcément la raison. Mais le fait de ne pas connaître la raison n'est pas un argument pour ne pas faire cette adoration. Tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu saches la sagesse de cette soumission ou non. En tous les cas, tu dois te soumettre. ثانياً اشتراط الطهارة للمسح على الخفين وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف. Deuxièmement, l'on déduit de ce hadith que pour essuyer sur les chaussons, il y a une condition qui est la purification, à savoir que les pieds doivent être en état de purification avant de les entrer dans les chaussons. Autrement dit, qu'il faut avoir fait auparavant les ablutions et s'être lavé les pieds. Lorsque tu as fait tes ablutions et que tu t'es lavé les pieds durant celle-ci, tu es alors en état de pureté, et pour essuyer sur les chaussons que tu mettras, il faut que tu aies mis ces chaussons en état de pureté. ثالثا استحباب خدمة العلماء والفضلاء. Troisièmement, on dit de ce hadith le caractère préférentiel ou qu'il est recommandé d'être au service des savants et des gens de mérite, d'être à leur service, de les aider dans les choses de la vie courante. S'il y a un savant qui est âgé, de l'aider à sortir de chez lui pour ça, pour partir à la mosquée, ou de l'aider à se placer dans l'endroit où il va passer son cours, de lui apporter de quoi boire, de quoi manger, s'il en a besoin, d'être à son service. Cela est une chose recommandable, car Al-Mughira ibn Shu'ba était au service du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il l'aidait pour faire ses ablutions. Alors que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pouvait très bien les faire tout seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait très bien les faire tout seul, et il est connu que la condition physique du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam était bien au-delà de celle de ses compagnons. Lorsqu'une pierre, pendant la bataille des tranchées, a empêché les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'avancement du creusement de la tranchée, à cause d'une grosse pierre, ils ont appelé qui pour la soulever? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, d'un seul coup de main, a enlever cette pierre, alors que plusieurs compagnons s'étaient réunis pour essayer de l'enlever, mais en vain. Rabi'an, et il est rapporté dans certaines versions de ce hadith que ceci, c'est-à-dire ce fait arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence de Al-Mughira ibn Shu'ba, a eu lieu durant la bataille de Tabouk, et ceci lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparait à la prière du Fajr. Namar. Je te pose une question, Thomas. Si, admettons, on a fait les ablutions, on a mis les chaussettes, et qu'ensuite on les a retirées, mais on était toujours en état d'ablution, je sais pas, on a changé de chaussettes. Non. Est-ce qu'après on peut appliquer dessus le... Lorsque tu as porté des chaussons sur lesquels tu as essuyé dessus, puis tu les enlèves, le fait de les enlever n'annule pas les ablutions, mais annulera le fait de les essuyer par la suite, d'essuyer les mêmes chaussons ou d'autres chaussons. Mais sans avoir essuyé, je veux dire, en changeant de chaussons, mais sans avoir essuyé... Donc tu n'as jamais essuyé dessus. J'ai gardé les ablutions. Non. J'ai pas encore essuyé. Donc, à partir du moment où tu n'as pas encore essuyé dessus, donc tu as mis des chaussettes, tu as fait tes ablutions, tu as mis des chaussettes. 2 heures plus tard, tu décides de les changer car elles sont salies. Mais entre temps, tu n'as pas essuyé dessus. Donc tu les enlèves, tu mets les nouvelles et tu as le droit d'essuyer par la suite. Car tu les as mis en état de pureté. Mais si tu avais essuyé sur ces chaussettes, puis qu'elles étaient salies par la suite et que tu les enlèves, le fait de les enlever ne te permettra pas d'essuyer sur d'autres chaussettes que tu mettras après. Sauf si tu refais les ablutions. Non, on t'a cadavre. Non, non. Et comment répondre à ceux qui avancent que c'est plus pour les voyageurs de faire ça? Non, on verra que dans la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est cité qu'il y a deux limites en termes de temps pour le voyageur et pour le résident. Pour le résident, il a le droit de le faire pendant 24 heures, et pour le voyageur pendant 72 heures. Donc, cette différenciation en termes de délai prouve qu'elle est autorisée à l'un comme à l'autre. Non. Non. Pour expliquer le qawl de Ibn Taymiyyah. La parole de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que la version qui rapporte que l'imam Malik et que certains compagnons disent que le fait d'essuyer sur les chaussons n'est pas légiféré, que cette version est faible. Mais celle qui est authentique de l'imam Malik rahimahullah, c'est qu'il dit au contraire que cela est légiféré. Non. Fadala. C'est pour la totalité du pied ou pas pour ça? Ce qui est appelé chaussons, ce qui est appelé chaussettes, sandales, ou chaussures, il est autorisé de, d'essuyer dessus. Même s'il y a une ouverture. Car les savants disent que les compagnons du prophète sallam étaient des personnes pauvres. Et il serait invraisemblable de penser que malgré leur pauvreté, ils avaient toujours des chaussettes entières, sans qu'il n'y ait de trous, etc. Cela est presque impossible. Et une chaussette trouée est quand même appelée une chaussette. Et si il faisait partie, ou si le fait que le vêtement que tu portes pour couvrir tes pieds doit le couvrir entièrement, dans ce cas-là, il ne serait pas autorisé d'essuyer sur des sandales. Car les sandales, par définition, ne recouvrent pas l'ensemble du pied, mais laissent des parties qui ne recouvrent pas le pied et qui le dénudent en partie. Allahu a'lam. الحديث الثاني والعشرون le 22e حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصر رواه البخاري ومسلم le 22e حديث selon حذيفة بن اليمان il dit j'étais en présence du prophète صلى الله عليه وسلم en voyage il a uriné puis a fait ses ablutions et a essuyé sur ses chaussons. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali, ذكر حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فبال وتوضأ ومسح على خفيه. Le sens général du hadith, حذيفة رضي الله عنه, informe qu'il était en compagnie du prophète صلى الله عليه وسلم dans l'un de ses voyages. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné, il a fait ses ablutions et il a essuyé sur ses chaussons. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awalan, mashru'iyatul mashi ala al-khuffayn fi al-safar. Wa muddatul mashi ala al-khuffayn wa al-imamati fi al-safari, thalathatu ayyamin bilayaliha. Wa muddatul mashi lil-muqim, yawmun wa laylah, ay arba'un wa ishrina. 24 ساعة يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال. Premièrement, on retient du hadith qu'il est légiféré d'essuyer sur les chaussons en voyage. Et la durée d'essuyage sur les chaussons et sur l'imama, sur le turban, en voyage est de 3 jours, nuit comprise. Autrement dit, combien d'heures? 72 heures. Au muddatul mash et la durée d'essuyage pour le résident, c'est d'un jour et une nuit, autrement dit 24 heures. Et le décompte de la durée, que ce soit en voyage ou que la personne soit résidente, commence du moment où il a essuyé, selon l'avis le plus sûr des savants. Donc ici, Cheikh Al-Bassem explique qu'il y a deux délimitations ou deux limitations dans le temps concernant la durée d'essuyage de 72 heures pour le voyageur et de 24 heures pour le résident. Et que le décompte de cette durée commence au moment où tu essuies. Car certains et beaucoup pensent que ce décompte commence au moment où tu les mets. Et cela est faux. Donc, entre le moment où tu mets la chaussette, si on prend l'exemple de la chaussette, et le moment où il te sera interdit d'essuyer dessus, peut dépasser les 24 heures. Est-ce que ça peut atteindre les 48 heures? Oui, ça peut atteindre les 48 heures. Si la personne ne perd pas ses ablutions et qu'elle fait une nuit blanche. Si elle a porté ses chaussettes le lundi à 14 heures, et que du lundi à 14 heures jusqu'au mardi à 14 heures, elle n'a pas perdu ses ablutions et elle n'a pas dormi. C'est possible ou pas? Oui. Et le mardi à 14 heures, elle essuie pour la première fois sur ses chaussettes. Jusqu'à quel jour elle aura le droit d'essuyer dessus? Jusqu'au mercredi à 14 heures. Alors que c'est un résident, et non pas un un voyageur. Donc, il faut bien prendre en compte cela, c'est que tu commences le décompte à partir du moment où tu essuies pour la première fois sur tes chaussettes. ثانياً المسح على الخفين بعد الوضوء من البول وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر في أحاديث كثيرة. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة بل لا بد من الاغتسال. أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر. أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة. Deuxièmement, on déduit qu'il est autorisé d'essuyer sur les chaussons après les ablutions suite à le fait d'uriner. Suite au fait d'uriner. Car, dans le hadith de Hudayfa, il a dit que le prophète sallam, il a uriné puis a fait ses ablutions. Donc, pourquoi le prophète sallam a fait ses ablutions? Parce qu'il a uriné. Et les savants ont déduit donc que celui qui urine et qui fait ses ablutions à cause de l'urine, il lui est autorisé d'essuyer sur ses chaussettes. Et beaucoup de hadiths rapportent ceci, à savoir que pour les petites ablutions, ou tout ce qui oblige les petites ablutions, il est autorisé d'essuyer sur les chaussettes. Et sur al-imama, à savoir le turban. Quant à l'état de grande impureté, comme le fait d'avoir des rapports conjugaux, eh bien, pour ce grand état d'impureté, il n'est pas autorisé d'essuyer sur les chaussons ni sur le turban, mais il est obligatoire de se laver, c'est-à-dire de se laver l'ensemble du corps. Donc, lorsque tu es en état de grande impureté et que tu dois faire ton ghusl, tu n'as pas le droit de garder tes chaussettes et d'essuyer par-dessus. De même que tu n'as pas le droit de garder ton turban et d'essuyer par-dessus, mais ton corps doit être entièrement lavé et toute partie du corps doit être atteinte par de l'eau. Amal jabirat wal juruh al ma'souba. Quant au plâtre et aux blessures qui nécessitent un bandage, alors il est autorisé d'essuyer dessus, et ceci que tu sois en état de petite impureté ou de grande impureté. Par contre, si le fait d'essuyer dessus, c'est-à-dire sur le plâtre ou sur la blessure bandée, si le fait d'essuyer dessus peut porter préjudice et peut aggraver la blessure, alors il ne faut pas essuyer dessus, mais faire le tayammum. Faire le tayammum pour ce membre inaccessible et laver l'ensemble des autres membres qui sont en bonne santé. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Mais il y a d'autres avis des savants, entre autres l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, à savoir que les membres plâtrés ou bandés, eh bien que le fait de les laver est exempt, qu'ils n'étaient pas obligés ni de s'essuyer dessus, ni de les laver, et ni de faire le tayammum en compensation du fait que tu ne puisses ni essuyer dessus, ni les laver. Donc il y a deux avis des savants, celui que vient de citer Cheikh Al-Bassam, à savoir que si tu peux essuyer, alors essuie. Si tu ne peux pas, alors fais le tayammum tout en lavant les autres membres. Et les autres savants disent que pour les membres plâtrés, ni tu laves, ni tu essuies, ni tu fais le tayammum. Tu fais comme si il n'existait pas. On l'aura à l'heure. Par rapport au décompte, par rapport au premier mesque, là. Non. disait que c'était faux que quand on fait l'eau, on décompte à partir de l'eau en fait. C'est faux ça? Enfin, un avis. À partir de l'eau, lequel eau? Le premier ou le deuxième? Quand tu fais l'eau, après tu pars. T'as 24 heures à partir de l'eau, pas à partir du moment où tu fais le premier mess. Mais tu parles de quel eau? Quand tu fais l'eau d'eau qui va précéder le fait de porter les chaussettes, ou tu les as déjà portées? L'eau d'eau, tu mets tes chaussettes. Enfin, tu vas au boulot, tu veux faire le mess, mais les 24 heures sont passées. Non, là, tu as fait l'eau d'eau. Ouais. Après avoir fait les ablutions, tu as mis tes chaussettes. Ouais. Donc là, tu n'as pas encore essuyé. Oui, justement, le décompte, il ne part pas. Il ne parle pas de ses ablutions. Il va partir du prochain moment où tu vas perdre tes ablutions, où tu vas devoir les refaire, et cette fois-ci, vu que tu portes les chaussettes, d'essuyer dessus. À partir du moment où tu vas essuyer sur les chaussettes pour la première fois, là, tu commences le décompte de 24 heures. Non. En fait. طيب باب في المذي وغيره. Le chapitre du mazi et autres. Et le mazi, pour le traduire en français, ce serait le liquide séminal. نعم. Le liquide séminal. المذي هو السائل الذي يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فتور بل لا يحس بخروجه وقد لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وقال الأطباء إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة والمراد هنا بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء وفي الباب عدة من الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات. المذي qui est le liquide séminal, Cheikh Al-Bassam dit rahimahullah, c'est le liquide qui sort de la partie génitale lorsque la personne est excitée, et il sort sans éjaculation ni sensation de plaisir, et il n'est pas suivi d'un état de fatigue. Et il est possible que la personne ne ressente pas la sécrétion de ce liquide ou de cette substance. Et ceci a lieu pour l'homme comme pour la femme. Et les médecins disent qu'il sort des voies urinaires en isolant certaines glandes. Et ceci pendant les préliminaires. Et pourquoi avoir cité ce chapitre? C'est pour expliquer les jugements concernant ce type de liquide et de sécrétion, à savoir si elles sont impures ou non, si elles annulent les ablutions ou non. Et dans ce chapitre, beaucoup de hadiths qui montrent ce qui annule les ablutions et également les moyens qui sont utilisés pour nettoyer des impuretés. الحديث الثالث والعشرون le 23e hadith. نعم. Le mazi là, il rentre dans comme si tu avais fait uriner. Il rentre dans les choses qui annulent les ablutions et il est considéré comme une impureté. نعم. Le 23e hadith. Selon Ali, an Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ رواه البخاري ومسلم وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك رواه مسلم سنو علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلجي j'étais un homme qui sécrétait beaucoup de liquide séminal. J'ai eu honte de poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait de la place de sa fille vis-à-vis de moi, car c'était sa femme. Et la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulu ici, c'est Fatima radiallahu anha. J'ai alors ordonné à Al-Miqdad ibn al-Aswad de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il lave sa partie génitale et qu'il fasse ses ablutions. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Al-Bukhari, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lave ta partie génitale et fais tes ablutions. Et dans une version de Muslim, fais tes ablutions et arrose ta partie génitale. Gharib al-hadith. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Awalan madha'a وزن فعال من صيغ المبالغة والمراد به كثير المذي. Premièrement, le terme مذاءن qui a le même poids en termes de sens grammatical que فعال. فعال qui vient du verbe fa'ala, qui veut dire faire. Et lorsqu'on dit qu'un homme est fa'il, c'est-à-dire que il fait. Mais lorsque l'on dit un tel est fa'al, c'est-à-dire qu'il fait souvent. Donc il y a une différence entre fa'al et fa'al. Comme madha et madha'an. À savoir que ici, le sens qui est voulu, c'est d'appuyer, à savoir que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sécrétait du liquide séminal, mais plus que la normale, qu'il en sécrétait plus que les autres. Et pareil pour la parole d'Allah Azza wa Jal, où Allah Azza wa Jal dit fa'alun lima yurid. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut, mais ici Allah Azza wa Jal n'a pas dit fa'alun lima yurid, mais il a dit فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ, c'est-à-dire qu'il fait tout le temps ce qu'il veut. ثَنِيًا إِنْ ضَحْفَرْجَكْ يُرَادُ بِالنَّضْحِ الرَّشْ وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْغُسْلُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا لِيُوَافِقَ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى الْمُصَرِّحَةَ بِالْغُسْلُ. إِنْ ضَحْفَرْجَكْ, dans la troisième version de Muslim, où le prophète Hassan a dit, et arrose ta partie génitale. Le terme نَضَحَ signifie en langue arabe arroser. Et c'est le sens qui est le plus souvent utilisé. Mais il peut aussi vouloir dire laver. Et c'est le sens voulu dans ce hadith pour qu'il vienne concorder avec les autres versions où le prophète sallam a clairement dit lave ta partie génitale. Thalithan, yaghsilu bi raf'i al-lam, wa hakadha riwayatu ala sighati al-khabar wa ma'nahu al-amr. Yarsilu, qu'il lave sa partie génitale et qu'il fasse ses ablutions. Qu'il lave, ici, c'est un ordre du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Rabi'an, istahyaytu biya'ayn hiya al-lughatul fusha, wa ya'ti biya'in wahid kama fi qira'ati inna Allah la yastahyi min al-haq. Et Ali ibn Abi Talib a dit istahyaytu en utilisant deux ya dans le verbe istahyay. Et ceci est le terme qui se rapproche le plus de la langue arabe pure. Mais il peut arriver que le verbe istahya utilise un seul ya, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, qu'Allah Azza wa Jal n'a pas honte de la vérité. المعنى الإجمالي, le sens général du hadith. يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا كثير المذي وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل لأني ظننت حكمه حكم المذي فأردت أن أتأكد من حكمه وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج وبنته تحتي فاستحييت من سؤاله فأمرت المقداد أن يسأله فسأله فقال إذا خرج منه المذي فليغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء فيكون صلى الله عليه وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي. Le sens général du hadith. Ali رضي الله عنه dit qu'il était un homme qui sécrétait beaucoup de liquide séminal et qu'il se lavait à chaque fois qu'il sécrétait ce liquide, au point que cela est devenu pour lui une contrainte, car il pensait que le jugement de ce liquide était le même que celui du sperme. Il a alors voulu s'assurer de ce jugement et a décidé de poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce sujet est en rapport avec les parties génitales. Et Ali radiallahu anhu étant le mari de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit le beau-fils du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a alors eu honte de poser cette question. Il a alors ordonné à Al-Miqdad de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a questionné et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que lorsque le mari sort, qu'il lave sa partie génitale jusqu'à ce que parte cette sécrétion qui est sécrétée à cause de la chaleur de son corps, qu'il la nettoie et qu'il fasse enlever et partir cette sécrétion à l'aide de l'eau, puis qu'il fasse ses ablutions, car cette sécrétion est sortie de l'un des deux orifices, et ce qui sort de l'un des deux orifices fait partie des actes qui annulent les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors montré et alors expliqué à celui qui l'a questionné, dans sa réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné deux choses, une chose juridique et une chose médicale. La chose juridique, c'est qu'il faut laver et faire ses ablutions. Et la chose médicale, c'est que cela, que ce liquide est sécrété à cause de la chaleur du corps humain qui chauffe lorsqu'il est excité, et que le meilleur moyen de remédier à cette chaleur, c'est de verser de l'eau sur la partie génitale. اختلاف العلماء لا divergence des savants. ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله مستدلين بهذا الحديث وغيره حيث صرحت بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه والقول الأول أرجح لأمور. الديفيرجنس دي سافون. الحنابلة, donc ceux qui suivent l'imam Ahmed ibn Hanbal, et certains parmi les Malikiyya qui suivent l'imam Malik rahimahullah, sont d'avis qu'il est obligatoire de laver l'ensemble de la partie génitale, en se basant sur ce hadith et sur d'autres hadiths qui stipulent clairement que c'est l'ensemble de la partie génitale qu'il faut laver. Et la plupart des savants considèrent que ce qui est obligatoire de laver, c'est l'endroit de la partie génitale taché par ce liquide séminal. Et c'est ce qui est obligé de laver. Et l'imam Cheikh Al-Bassam dit, et le premier avis est le plus probable, et ceci pour différentes raisons qu'il va citer. Donc l'avis le plus probable, c'est que c'est l'ensemble de la partie génitale qui doit être lavée, même si une partie de celle-ci seulement est tachée. والقول الأول أرجح الأمور الأول أن غسله هو الحقيقة من الحديث وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية. Le premier argument, c'est que le fait de laver la partie génitale dans sa totalité est ce qui est voulu du hadith. Quant à laver une partie, cela serait un sous-entendu qui nécessite une preuve. Le professeur Hassan, qu'est-ce qu'il a dit à Al-Miqdad ibn al-Aswad? Lave ta partie génitale et fais tes ablutions. Lave ta partie génitale, ce que l'on comprend, c'est toute la partie génitale. Et si on déduit que non, ce qui est voulu, c'est une partie, celle qui est tachée, c'est donc un sous-entendu qui doit être appuyé par une preuve claire. الثاني أن المذي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجه ماء وتقارب لونهما وغير ذلك، فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الفرج. Deuxième argument, à savoir que Al-Madhi, ce liquide séminal, a une ressemblance avec le sperme quant à la cause de sa sortie et à la ressemblance au niveau de la couleur. Et la sortie de ce liquide séminal peut être comparée à un état de grande impureté mineure. Un état de grande impureté mineure. Vous comprenez ou pas? Il y a la petite impureté, il y a la grande impureté et il y a la grande impureté mineure. Et dans cette grande impureté mineure, au lieu de laver tout le corps, on se contenterait uniquement de laver l'ensemble de la partie génitale. الثالث, le troisième argument, أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده. Troisièmement, que ce liquide séminal sort à cause de la chaleur du corps qui est due à l'excitation. Le fait donc de laver l'ensemble de la partie génitale permet donc de refroidir celle-ci et donc de laver et d'extraire ce liquide dans sa totalité. ما يؤخذ من الحديث أولا نجاسة المذي وأنه يجب غسله ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء. Ce qu'on dit du hadith. Premièrement, que le mavi est une impureté et qu'il est obligatoire de le laver. Mais l'on peut être indulgent sur une partie infime de celui-ci à cause de la contrainte qu'il pourrait engendrer, comme l'a cité certains savants. Donc certains savants disent qu'il n'est pas obligé de laver ce mavi lorsqu'il est en petite quantité. Lorsqu'il est en petite quantité, car cela serait une sorte de contrainte. Donc ça, c'est l'avis qu'a cité Cheikh al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Thaniyan, annahu min nawaqid al-wudu, li'annahu kharij min ahad al-sabilayn. Deuxièmement, on dit de ce hadith que la sécrétion de ce liquide séminal fait partie des actes annulatoires des ablutions, car il sort de l'un des deux orifices. Et tout ce qui sort de l'un des deux orifices est un acte qui annule les ablutions. ثالثا وجوب غسل الذكر وقد ورد في بعض الأحاديث وغسل الأنثيين. Troisièmement, on déduit de ce hadith l'obligation de laver la partie génitale dans sa totalité. Et il est rapporté dans certains hadiths qui sont authentiques le fait de laver les testicules également. Le fait de laver les testicules également. رابعاً وأنه لا يجب غسل البدن كالجنابة وهو إجماع. Quatrièmement, que la sécrétion de ce liquide séminal n'oblige pas de faire le grand lavage comme pour l'état de grande impureté, et ceci à l'unanimité des savants. Les savants sont unanimes sur le fait que la sécrétion de ce liquide séminal n'oblige pas de faire les grandes ablutions. خامساً أنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول بل لا بد من الماء. Cinquièmement, on déduit de ce hadith qu'il ne suffit pas de nettoyer le mazi à l'aide de pierres ou similaires, donc à l'aide de pierres ou de papier comme l'urine, mais qu'il est obligatoire de le laver avec de l'eau. Donc le mazi fait partie des particularités ou des impuretés qui ont la particularité d'être nettoyées avec de l'eau uniquement. ou avec de l'eau ou du savon, mais de se contenter de papier ou de pierre pour nettoyer cette impureté ne suffit pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement spécifié pour cette impureté qu'il fallait laver. Et le lavage se fait avec de l'eau. طيب الحديث الرابع والعشرون le 24e hadith عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري ومسلم le 24e hadith selon عباد بن تميم selon عبد الله بن زيد Ibn Asim al-Mazini, il dit, il a été apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam le cas d'un homme qui pense trouver quelque chose ou ressentir quelque chose pendant sa prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne s'en aille pas jusqu'à avoir entendu un bruit ou senti une odeur. Hadith authentique apporté par al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة وهي أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون سواء قويت الشكوك أو ضعفت ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى ومنها هذا الحديث فما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته وبالعكس فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث ومن هذا الثياب والأمكنة فالأصل فيها الطهارة إلا بيقين نجاستها ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة فمن تيقن ثلاثا مثلا وشك في الرابعة فالأصل عدمها ومن ذلك من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى Le sens général du hadith. Ce hadith, comme l'a dit l'imam Nawawi rahimahullah, fait partie des règles générales en islam. Et de ces règles sont déduites de nombreux jugements juridiques en islam. Et cette règle, c'est que les choses restent sur leur base, qui sont sûres et qui font l'objet de la certitude. وهي أن الأصل بقاء الأشياء على حكمها. Que les choses ont un jugement selon la base de celle-ci. Et que ce jugement ne peut changer à cause d'un doute ou d'une suspicion. Que ce doute soit fort ou qu'il soit faible, tant qu'il n'atteint pas le degré de la certitude. Et les exemples pour cela sont nombreux et connus. Et parmi ces exemples, le hadith que l'on cite actuellement. Tant que l'être humain est sûr d'être en état de pureté, puis doute d'être en état d'impureté, la base est qu'il reste pur. Et également, le contraire est vrai, à savoir que celui qui est sûr d'être en état d'impureté, mais qui doute d'être en pureté, alors la base et qu'il est en état d'impureté. Et ceci vaut à la fois pour les vêtements, mais aussi pour les endroits. La base dans les vêtements et dans les endroits, c'est qu'ils sont purs, sauf si tu es certain de leur impureté. Et également, parmi ces exemples, le nombre de raka'at dans les prières, celui qui est sûr d'avoir accompli 3 unités de prière par exemple, mais qui doute s'il a accompli la 4e, la base est qu'il n'a pas accompli cette 4e. Et également, celui qui doute d'avoir divorcé son épouse, eh bien, la base est qu'il est marié avec elle. Et bien d'autres sujets qui sont nombreux et qui sont connus de beaucoup de gens. Ma yukhadu min al-hadith. أولا القاعدة العامة وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. La première chose que l'on déduit de ce hadith, c'est la règle générale qui est que la base des choses reste sur ce qu'elle est. Que la chose reste sur sa base. ثانيا إن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة. Deuxièmement, le simple fait de douter sur le fait d'être en état d'impureté n'annule ni les ablutions ni la prière. ثالثا تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. Troisièmement, l'interdiction de quitter la prière sans une cause claire. Sans une cause claire et évidente. Rabi'an, inna ar-rih al-kharijati min ad-dubur bi-sawtin aw bi-ghayri sawt naqidatun lil-wudu. Quatrièmement, que les gaz qui sortent du derrière, qu'ils émettent un son ou non, annule les ablutions. Quelle est la preuve de cela dans le hadith? Quelle est la preuve de cela dans le hadith que les gaz, qu'ils émanent un son ou non, dans les deux cas, il annule les ablutions? Parce que ça, c'est une chose qu'a déduit le cheikh du hadith. Naam. Naam, Ahsan, ou l'odeur. Qu'il ne quitte la prière que lorsqu'il entend un bruit ou qu'il sente une odeur. Donc, si tu sens une odeur uniquement, cela te permet ou t'autorise de quitter la prière. Et donc, le simple fait de sentir l'odeur te fait savoir que tu n'es plus en état d'ablution et que tu n'es plus en état de pureté, alors que tu n'as pas entendu de bruit. Donc, cela prouve que les gaz qui émettent un bruit ou qui n'en émettent pas annulent dans tous les cas les ablutions. Khamisan, yurad, na'am. Justement, c'est le cinquième point. يراد من سماعه الصوت ووجدان الريح في الحدث التيقن من ذلك. فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه. Cinquièmement, il est voulu par l'écoute du bruit ou la constatation de l'odeur dans le hadith, ce qui est voulu, c'est d'avoir la certitude de cela. Et si une personne n'entend pas de bruit et ne sent pas d'odeur, mais est sûre d'un moyen autre que les deux précédemment cités, qu'il n'est plus en état de pureté, alors ses ablutions s'annulent. Donc, ce qui voulait du hadith, ce sont des exemples qu'a donné le professeur Al-Sallam qui permettent aux musulmans d'être sûr d'avoir perdu ses ablutions. Mais si la personne en est sûre autre que par ces deux moyens, alors elle déduit le jugement qu'elle n'est plus en état d'ablution et donc qu'elle quitte sa prière. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.